Est-ce que parfois vous vous sentez étranger? Non pas dans un pays lointain, mais chez vous, dans votre ville natale, étranger au monde, étranger à vous-même, comme si pouvaient avoir lieu des présentations. Bonjour, je suis moi-même. Enchantée, je vous connais pas. C'est normal, je suis étranger. L'étranger, c'est le titre d'un roman de Camus, et le mot désigne ce qui est à l'extérieur, ce qui n'existe peut-être pas vraiment, celui qui est là mais qu'on ne voit pas. L'étranger, ce matin, c'est un chauffeur de taxi. En anglais, Taxi Driver, de Martin Scorsese avec Robert De Niro, 1976. The profession of the taxi driver is a metaphor. Le métier du chauffeur de taxi est une métaphore de l'aliénation métropolitaine par le. Qu'est-ce que c'est qu'un chauffeur de taxi? C'est quelqu'un qui prendra n'importe qui, n'importe où pour de l'argent. C'est quelqu'un devant qui on fait n'importe quoi parce qu'il n'existe pas. Et c'est une espèce de zéro. His very job defines the modern dilemma. Harry, answer that. What do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. This port up there just for that. Yeah, I know, I tried that. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça. Vous feriez la grande banlieue et le Bronx, Harlem? N'importe quoi, n'importe quand. Même pendant les fêtes juives? J'ai dit n'importe quoi, n'importe quand. Bon, alors faites voir votre licence de chauffeur. 347, 347, je suis libre, 347. Et votre dossier conducteur? Il est net, clair et net, comme ma conscience. État de santé? Correct. Quel âge? 26 ans. Instruction? J'en ai un peu. De ci, de là, quoi. Position militaire? Bon et loyaux service. Mai 1973. Vous étiez dans quelle arme? Marines. J'étais dans les Marines, moi aussi. Bon, écoute, remplis ce formulaire et reviens demain au changement d'équipe. Bonjour Philippe Rouillet. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir ce matin pour commencer cette série d'émissions autour du cinéma de Martin Scorsese, même si on ne se voit pas, quel dommage. Ben oui, quel dommage, mais bon, le plaisir est quand même partagé. Bon, alors je suis ravie de l'entendre. Taxi Driver, c'est la meilleure façon de commencer quand on parle de Scorsese. C'est le vrai début de Scorsese, non? Alors le vrai début, non, on pourrait dire que c'est Mean Streets, hein, qui est en 1973, où il y a déjà sa problématique de la mafia et de la religion. Mais c'est vrai que Taxi Driver est un film très personnel, mais le paradoxe, c'est que c'est aussi très personnel pour le scénariste du film qui est Paul Schrader. Et c'est aussi personnel pour Robert De Niro qui joue le Taxi Driver. Et le film est une conjonction assez étonnante entre trois personnes clés qui veulent faire le même film. Et par rapport à votre question, disons que c'est vraiment le film qui va révéler Scorsese sur la scène internationale. C'est-à-dire que Mean Streets, c'est un succès d'estime, mais Taxi Driver va être la palme d'or du Festival de Cannes 1976. Et à partir de là, il va devenir une star d'Hollywood ou du Nouvel Hollywood, même si finalement, c'est quand même son cinquième long métrage. C'est ça, c'est souvent le film qu'on associe à Scorsese, alors que ce n'est pas le premier, c'est peut-être le début de quelque chose, et notamment de sa reconnaissance en Europe, puisque vous l'avez dit, il reçoit la Palme d'Or en 76. Un point avant de rentrer dans le film directement, quelle place tient Taxi Driver dans votre cœur de cinéphile et de critique de cinéma, Philippe Rouillet? Oh, bah, c'est un film qui m'a toujours fasciné, que j'ai tardé à voir, parce que au départ, il était interdit au moins de 18 ans, et moi, quand je voulais le voir, j'avais pas 18 ans, et j'arrivais pas à le voir, et quand je l'ai vu, ça a été vraiment un sésame, quelque chose qui m'a éclairé toute l'œuvre de Scorsese. Ça a été vraiment mon sésame et la certitude que c'était un cinéaste qui allait m'accompagner tout au long de ma vie. Et c'est vrai que si on le regarde à différents moments de sa vie, le film, on ne reçoit pas de la même façon. Pour les besoins de cette émission, je l'ai regardé à nouveau. Il me semble que je l'ai beaucoup mieux reçu que quand je l'avais vu il y a 10 ans. Et notamment, cette figure du chauffeur de taxi, Travis, qui apparaît, c'est vrai, comme un héros en quête de sens. Et il le dit dans son journal intime dès le départ. Ça commence au mois de mai, d'ailleurs, comme au moment où nous faisons cette émission. Et on rentre dans sa peau et on vit la même chose que lui, à savoir une sorte de vanité totale. fatale de l'existence. Il ne sait pas à quoi il sert, il ne sait pas où il va. Et l'histoire raconte ça. C'est la clé du film. C'est-à-dire que la clé du film, c'est de bien comprendre que le film nous met de force dans la tête de cet homme. Et tout ce qu'on va voir dans le film, c'est à travers ses yeux. Il écrit son journal intime et donc il y a cette voix off qui va nous accompagner pendant tout le film. Et dès le générique, parce que tout à l'heure, vous nous avez passé, c'est pas simplement la musique du film qui est magnifique, c'est carrément le générique et la première scène. Et ce générique, il est très particulier parce que très souvent, les génériques, c'est l'invitation pour rentrer dans le film, mais c'est aussi un mode d'emploi. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui se souviennent mal, au générique, avec cette musique de Bernard Herrmann, on voit de la brume et au ralenti, le taxi qui sort de la brume, comme si c'était un peu une créature de l'enfer. Et en fait, tout ce qu'on va voir autour de nous est au ralenti. Les couleurs sont ultra saturées, c'est-à-dire que les rouges sont très rouges. Et à l'intérieur de ce générique, on a un très gros plan sur les yeux du chauffeur de taxi, donc sur les yeux de Robert De Niro, sur un fond très rouge. Alors, c'est certainement une citation de Vertigo d'Hitchcock, qui a déjà la même musique de Bernard Herrmann. Enfin, c'est le même compositeur, c'est Bernard Herrmann, et Scorsese est fou des compositions de Bernard Herrmann pour Hitchcock, et donc c'est pour ça qu'il lui demande de faire la musique de Taxi Driver. Mais il y a cette idée qu'on a ce regard halluciné et qui nous dit « c'est avec ces yeux-là qu'on va voir ». Et toutes les images qu'on voit ensuite, on est dans la nuit de New York, tous ces gens qui sont ralentis dans le brouillard, eh bien, on comprend que c'est ces gens que voit sans les voir De Niro. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il est étranger à tout. Il est étranger au décor extérieur comme il est étranger à lui-même. C'est ce que vous disiez en introduction. Et ce générique nous prend par la main pour nous faire ressentir les choses, car Taxi Driver, c'est aussi pour ça que c'est un film qui change à chaque fois qu'on le voit. C'est un film qui est évidemment psychologique, qui nous parle de choses, qui est narratif, mais qui est avant tout un film sensoriel et qui nous amène à être vraiment dans la tête et avec les sensations du personnage, ce qui est pas toujours très agréable parce que ce personnage se place vraiment au cœur de l'enfer. Et dans la première scène avec des dialogues, celle qu'on a entendue tout de suite, qui est celle où il va voir le répartiteur, où il se fait engager comme chauffeur de taxi, au début, quand il arrive dans l'image, il surgit lui aussi de la brume, comme s'il venait de l'enfer. Parce qu'en fait, ce personnage, il vit dans l'enfer et il s'y complaît. C'est pour ça qu'il dit dans cette séquence qu'on vient d'entendre, « Moi, je vais où vous voulez, quand vous voulez ». Je veux dire, on peut pas dire ça. Surtout où vous voulez, quand vous voulez. La nuit new-yorkaise, ça veut dire que, et l'autre insiste, ok, pour Harlem, le Bronx et tout ça, il va tout prendre. Il va tout prendre. Et lui qui déteste tout ce qui est les bas-fonds, il trouve que l'âme humaine est atroce, eh bien, il va passer son temps avec les drogués, les macros, les prostituées. Il se passe des tas de trucs dans son taxi. Il le dit, je passe mon temps à nettoyer le sang et le sperme sur la banquette arrière. Voilà. Et donc, il se complaît littéralement dans cet enfer. Ce qu'on comprend dès ce générique, et c'est la grande force du film, c'est le contraste entre d'un côté le réalisme de la ville et de l'autre l'étrangeté du personnage. Alors je m'arrêtais un instant sur l'étrangeté du personnage et je commençais en citant le roman de Camus, L'étranger. Paul Schrader, qui est le scénariste du film, il fait lui-même référence parce qu'au fond il raconte que c'est à la suite d'une aventure sentimentale désastreuse que lui-même se baladait toute la nuit et que finalement l'idée du taxi driver lui vient, c'est de la métaphore qu'il cherchait, dit-il. Il dit que la voiture représente une sorte de cercueil métallique et qu'il a écrit le scénario en 15 jours et dit-il, j'avais lu La nausée de Sartre et L'étranger de Camus auparavant et j'essayais de retrouver un peu le caractère de Meursault. Et c'est vrai, qu'on ait lu le roman de Camus ou pas, qu'il y a quelque chose de cette étrangeté au monde que l'on retrouve incarné dans ce personnage joué par De Niro. C'est complètement ça, et c'est complètement autobiographique. Hein. C'est important ce que vous dites là, Adèle, c'est que d'une part, il a effectivement lu La nausée et L'étranger, donc ce sont des références, mais c'est aussi sa propre vie. C'est-à-dire que non seulement il sort de cette expérience sentimentale catastrophique, mais professionnellement, ça va pas du tout. Parce que il écrit ça à l'été 72, à un moment où il vivote comme critique de cinéma, mais il a pas assez d'argent. Donc il vit littéralement dans sa voiture. Et il peut pas dormir de la nuit, il fréquente les cinémas porno, exactement comme Travis Bickle, comme le taxi driver dans le film. Et il y a un autre élément qui va quand même alimenter son écriture, même s'il ne s'en vante pas. Mais on sait quand même, c'est qu'en mai 72, il y a un psychopathe qui s'appelle Arthur Bremer qui a essayé d'assassiner le candidat démocrate à l'élection présidentielle qui était George Wallace. Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et quelque chose qui évidemment infuse le film. Donc le film est vraiment au carrefour de tout ça, mais s'il arrive à écrire ce scénario en 2 semaines, et pour nos auditeurs, ça dit peut-être rien, mais ça ne s'écrit jamais en 2 semaines, un scénario. Un scénario, ça prend plusieurs mois, plusieurs années, et là, il arrive à faire un premier jet, et qui sera, bon, après, ça va être un petit peu retouché au fil des ans et du travail, mais l'essentiel est là, en 15 jours, c'est exceptionnel, parce qu'en fait, il dit, le scénario est sorti de moi. Parce que c'était vraiment ce qui infusait en lui à ce moment-là de sa vie. Il crache en quelque sorte son venin. C'est ça. Et de l'autre côté de ce que nous annonce le générique, donc ça c'est sur l'étrangeté du personnage, on y reviendra évidemment, le réalisme avec lequel est filmé New York. New York, pour Scorsese, c'est le centre du monde. Il le dit comme ça, il dit « il n'y a pas mieux sur Terre. Quoi que puissent proposer les autres villes dans le monde, quel que soit le mode de vie ailleurs, tout ici semble mieux, plus enrichissant, plus excitant. New York, c'est la ville définitive », dit Scorsese, et ce film lui rend hommage de manière extraordinaire parce qu'il ne cherche pas à l'embellir. New York est comme un personnage, tantôt horrible, tantôt séduisant, toujours excitant et extrêmement vivant. Alors, c'est sa ville, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand Schrader écrit son scénario, il est en Californie, il est à Los Angeles, qui est la ville de Schrader, et Scorsese lui dit « Ah ben, c'est complètement faux sur New York, tu dis qu'il monte la sixième, on la monte pas, on la descend, etc. etc. » Et Scorsese va apporter de la vraisemblance. Quand on connaît bien New York, on s'aperçoit que les trajets qu'on a pendant tout le film sont réalistes. C'est-à-dire que le taxi prend vraiment le chemin sur le tournage qu'il prend dans le film. C'est aussi pour ça que dans les scènes de brasserie, de bistrot, dont on parlera aussi tout à l'heure, on voit vraiment la vraie foule new-yorkaise à travers les vitres. Et Scorsese se bat pour ça. Mais en même temps, il y a la stylisation de la mise en scène qui fait qu'à partir de ce fond de réalisme, il fait quelque chose d'autre. Et c'est ça qui donne la caractéristique du film. Tout ce générique que je vous ai décrit avec ses effets de ralenti, de couleurs saturées, c'est en même temps, ça donnerait pas cet effet si on avait fait ça en studio. Il s'agit d'être réellement dans la ville est complètement là, mais c'est une lecture de la ville qui passe à travers les yeux de Travis Bickle et donc à travers le regard de Scorsese. Et on y voit l'héritage de tout un cinéma qui précède celui de Scorsese, alors sans doute la nouvelle vague qui est un peu contemporaine, aussi presque le néo-réalisme italien, il y a ce côté où on filme dehors, au milieu, en extérieur, quasiment entre amis, et on essaye de ressaisir la vie telle qu'elle est devant nos yeux, comme pour abolir la distance que le cinéma pourrait induire par ailleurs. Alors c'est ça, et il faut rajouter à ce feuilletage, il faut aussi rajouter l'héritage du film noir, ouais. Qu'on entend jusque dans la musique, puisque Bernard Herrmann avait dit « on va utiliser uniquement des cuivres, on va bannir les cordes, parce qu'il faut qu'il y ait cette espèce de puissance-là ». Et tout d'un coup, il s'est dit « je vais rajouter un saxophone, un solo de saxophone, et ce solo de saxophone, c'est la solitude du personnage dans la nuit, et ça, c'est totalement l'héritage du film noir que revendique évidemment Scorsese. C'est-à-dire que ce personnage qui déambule avec cette voix off, c'est aussi l'héritage du privé dans les années 40, qui, d'une certaine manière, appartient lui aussi à cette lie de l'humanité qu'il veut nettoyer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toutes les citations que vous donnez sont tout à fait là, mais le film est un feuilletage. Psychologiquement, c'est un feuilletage. On dit que ce personnage a fait le Vietnam, mais c'est pas uniquement parce qu'il a fait le Vietnam qu'il est comme ça. Des tas de vétérans du Vietnam sont revenus sans devenir ni chauffeur de taxi, ni assassin de proxénète. D'autres choses rentrent en jeu. Et c'est cette complication-là, j'allais dire ce feuilletage, qui fait toute la richesse du film. Alors, en bon récit existentialiste quasiment, on suit Travis sans savoir où il va et il va se définir aux yeux du spectateur à travers les rencontres qu'il fait. On va en entendre deux, Philippe Rouillet, deux rencontres qui sont de rencontres de femmes qu'on a montées ensemble pour les besoins de l'émission sur vos bons conseils. Alors, on va les entendre puis vous nous direz ensuite de quoi il s'agit. D'abord, il rencontre Betsy, qui est jouée par Cybill Shepherd, et ensuite Iris, qui est jouée par Jodie Foster. Betsy travaille dans un bureau, il la voit par la fenêtre, il essaie de la séduire, il l'emmène déjeuner. Et puis Iris, quant à elle, est une prostituée très jeune, qui a 12 ans, et qu'il va essayer de libérer de l'emprise sous laquelle elle se trouve, bien qu'elle s'en défende. Alors voici d'abord la scène de rencontre et de déjeuner avec Betsy, et puis ensuite sa discussion avec Iris. May 26th. 4 o'clock p.m. I took Betsy to Child's Coffee Shop on Columbus Circle. I had black coffee and apple pie with a slice of melted yellow cheese. I think that was a good selection. Betsy had coffee in a fruit salad dish. She could have had anything she wanted. 15,000 volunteers in New York alone is not bad. Christ, the organizational problems. Vous vous plaisez là où vous travaillez? Il y a de bons éléments qui travaillent pour nous. Et je crois que Palantine a une chance sérieuse. Vous savez que vous avez de beaux yeux. J'aime pas le gars avec lequel vous travaillez. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que qu'il a l'air idiot. Moi, c'est bien la première fois que je vois un garçon comme vous. Taxi. Pourquoi tu veux tellement que je retourne chez mes parents, hein? On me déteste là-bas. Moi, si je me suis tirée, c'est que j'avais une bonne raison. C'est froid chez eux, un désert. Je comprends, mais tu ne peux pas vivre comme ça. Ici, c'est l'enfer. Une fille, ça doit être en famille. Tu devrais porter des jolies robes, t'amuser avec des petits flirts, tu devrais même aussi aller à l'école. Le truc classique, enfin. Mon Dieu, alors toi, tu dates. Non, mais enfin, tu te vois? Tu sors avec toutes les épaves qui traînent dans les rues, les sales types, les vicelards, et tu leur vends ton... Enfin, tu te vends? Et pour pas un rond, en plus. Pour un sale petit Mac. Un petit Mac qui relève le compteur. Un sport n'a jamais tué personne. Il a sûrement tué quelqu'un. Il est de la balance. Il est quoi? Je suis balance, moi aussi. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est un tueur pour moi, pas autre chose. Mais d'où que tu prends le droit de faire de la morale? Tu te crois mieux que nous? Quel plaisir de commencer cette semaine en parlant de Scorsese et de Taxi Driver avec vous, Philippe Rouillet. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, on ne se voit pas et on parle d'un film sans images. C'est la magie de la radio, on va peut-être essayer d'en saisir l'essence de manière plus appropriée. Ce qui est formidable quand on suit donc ce personnage de Travis, c'est qu'on se rend compte, à travers ces rencontres, que c'est un homme bon. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais la manière qu'il a d'aborder Betsy et ensuite de vouloir sauver Iris laisse penser non pas qu'il veut faire la morale, mais qu'il, lui, est du côté du bon et qu'il veut essayer de le propager aux autres. Bah, c'est-à-dire que c'est toute sa contradiction. C'est-à-dire qu'il est perdu, mais il cherche à être bon. Et alors Betty, qui est cette jeune femme qui travaille pour le candidat politique démocrate, donc il a repéré à travers la vitre, pour lui, c'est comme une apparition, c'est une sorte d'ange blond. Et presque une madone. Et de l'autre, il y a cette jeune prostituée de 12 ans qui est, elle, blonde aussi. Et on pourrait dire que entre les deux actrices, entre Cybille Shepherd et Jodie Foster, il y a un effet de ressemblance qui est évidemment voulu par Scorsese. C'est un peu l'idée, c'est parce que le film fonctionne beaucoup sur la figure du double, et ces deux femmes sont un peu des doubles. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans la séquence suivante, la madone, il va l'emmener au cinéma porno, comme s'il voulait en faire une putain, alors que la putain, il va essayer d'en faire une madone en la sortant de son réseau de prostitution, en voulant qu'elle retourne à l'école, chez ses parents, et qu'elle ait une vie de préadolescente de 12 ans. Alors, ces deux scènes, elles sont très intéressantes, mises en perspective, parce que c'est deux scènes qui sont dans un café, dans une brasserie, et qui se répondent, parce qu'en plus, elles sont filmées de la même manière, avec un système de champ contre champ. Alors, vous savez, le champ contre champ, on filme un personnage, puis l'autre. Sauf que on n'a pas forcément les mêmes valeurs de cadre. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand ils discutent, Et les deux scènes sont filmées pareil. C'est-à-dire que quand on voit la femme qui parle, le personnage de Travis, donc de Niro, est en amorce. Alors que quand c'est lui qui parle, il est tout seul dans le plan. Et cette solitude-là, si vous voulez, le découpage vient surligner la solitude du personnage. Alors lui, il est tout seul. Et derrière, il y a l'agitation de la ville auquel il est totalement étranger. Et ça a été compliqué, notamment la scène de avec Betty, elle a été compliquée à tourner parce qu'en fait, il pleuvait quand ils l'ont tournée et il y avait d'énormes problèmes pour les raccords d'un plan à l'autre. Et le studio, voyant ça, commence à dire à Scorsese, parce qu'il n'y arrivait pas, en disant « Bon ben, vous allez tout recommencer, vous allez mettre les acteurs devant un mur blanc et puis après, on pourra mettre une projection derrière eux de ce qu'on veut de la ville. » Et en fait, Scorsese s'est battu. Mais quand je dis qu'il s'est battu, il a carrément, c'était la deuxième semaine de tournage, il a dit « Si c'est ça, je m'en vais. Je quitte cette réalisation, je pourrais pas faire, si on me laisse pas faire comme je veux. » Donc, les autres ont dit « Ok, on va prendre le temps qu'il faudra et on fera comme vous voudrez. » Et c'est très important de pouvoir montrer dans ce découpage le rapport de Travis au monde, alors qu'en même temps, il est en train de discuter avec ses femmes. Et évidemment, les deux vont être après en parallèle par rapport au passage à l'acte et à la violence, puisque dans un premier temps, il va essayer de tuer le candidat pour lequel travaille Betty. Et quand il voit qu'il n'y arrive pas, il va tuer les proxénètes pour lesquels travaille Iris la prostituée. Vous voyez comment tout fonctionne et le film, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie où le personnage évolue, fait des rencontres, etc. Et dans la deuxième partie du film, c'est le passage à l'acte par rapport aux rencontres qu'il a fait. Donc le film peut en quelque sorte se replier avec ce système d'écho. Et à l'intérieur de ce système d'écho, les personnages eux-mêmes se font écho. Et c'est ce qu'on voit avec le personnage de Betty et le personnage d'Iris. C'est bouleversant cette scène au café avec Betty parce qu'on se rend compte qu'ils pourraient bien s'entendre et elle lui dit « j'ai jamais rencontré un homme comme toi » et de toute évidence, venant d'elle, c'est un compliment. Elle lui trouve quelque chose, elle accepte de le revoir et là, comble de la maladresse, il l'emmène au cinéma mais il l'emmène voir un film porno. Et je crois qu'il ne mesure pas un instant que ça puisse la choquer et elle ne lui pardonnera pas cette maladresse, elle ne voudra plus jamais le revoir, ce qui va le plonger lui dans une sorte de désespoir. Mais là encore, il semble que c'est plus de la maladresse qu'une intention. Vous disiez, il veut en faire une putain, sans doute, on peut le lire comme ça. Mais sur le moment, il rêve de pouvoir avoir une relation saine et normale avec elle. C'est-à-dire qu'il est dans l'autodestruction. Quelque chose en lui, parce que elle lui parle d'un chanteur de l'époque qui est Kris Kristofferson, que lui évidemment connaît pas, parce qu'il est déconnecté de tout ce qui peut être la culture contemporaine et de ce que peuvent écouter les jeunes gens de son temps. Donc il va chez un disquaire l'acheter, mais il comprend rien. De toute façon, il comprend rien aux paroles de la musique. Elle dit que ça parle d'un dealer et tout, et lui il commence à dire « moi je suis pas dealer ». Mais à aucun moment, elle l'accusait évidemment d'être dealer. Et puis, les films porno, il l'emmène voir les films porno parce que c'est les seuls films qu'il voit, lui. On l'a vu avant qu'il y ait cette séquence avec elle. Il va au cinéma toutes les nuits, et puis il le dit d'ailleurs au répartiteur au début, pour essayer de trouver le sommeil, il va voir des films porno la nuit. Bon, alors évidemment, c'est... Donc, il l'entraîne dans son monde, même si quelque chose lui dit que ça va... C'est pas ça qu'il faut faire, que ça va pas marcher. Et au même titre que quand il dit à la prostituée de 12 ans, tu devrais t'en aller, rentrer chez tes parents et tout ça, il a aucune chance que ça marche. Il a aucune chance d'être écouté. Enfin, je veux dire, il y a ce décalage. Même si ça correspond à quelque chose dont il rêverait, il peut pas se donner les moyens d'avoir une vraie relation avec ses filles. Alors, comment ce film a-t-il pu être reçu au moment de sa sortie? Au Festival de Cannes, il a reçu la Palme d'Or. Le président du Festival de Cannes de l'époque, Tennessee Williams, n'était pas vraiment d'accord. Et écoutez les questions que posent les journalistes à Scorsese et à Schrader. Ça montre bien qu'ils sont peut-être un peu à côté de la plaque. Écoutez. Bon, trois questions. Est-ce qu'un chauffeur de taxi à New York peut être aussi naïf que celui-là? Est-ce qu'il y a toujours des bougies dans les bordels à New York? Et est-ce que les jeunes filles bien élevées à New York ont tellement peur des films porno? I don't think he's naive, number one. Je ne crois pas qu'il est naïf, d'abord. Number two, yes, I have seen places with candles. I don't know if there were brothels or not. Oui, j'ai vu des endroits avec bougies. Je ne sais pas si ce sont des bordels. Some of them were churches. Aussi dans les églises. And the third point was that she realized that the relationship was wrong. C'est pas qu'elle a tellement peur des films porno, c'est qu'en ce moment-là, elle se rendait compte que vraiment ça pouvait pas aller, le rapport entre elle et lui, il y avait trop qui les séparait. Travis, his taking her to the porno theater is just one of many in a series of self-destructive acts. Le fait que Travis l'amène à voir un film porno, ce n'est qu'un parmi plusieurs actes qu'il commet, actes autodestructeurs. Comment vous expliquez que l'accueil critique fut si mitigé lorsque le film est sorti, Philippe Rouillet? Parce que je pense que le film ne correspondait pas à ce que les gens s'attendaient à voir. Parce que le film déroute quand on le voit la première fois. C'est-à-dire que on peut pas le prendre juste comme un témoignage implacable sur les anciens du Vietnam. Il commençait à y avoir des films là-dessus, sur les gens qui revenaient du Vietnam et qui étaient traumatisés. Et je veux dire, si on tire le film vers ça, ça marche pas. On peut pas non plus y voir un film de vigilante movie. C'est le moment où on commence à voir des films comme Un justicier dans la ville et tout ça, des types qui décident de faire le ménage dans New York ou dans les villes américaines, à trucider tous les méchants. C'est pas ça non plus. Et en fait, le film, je pense que c'est la complexité de sa nature qui fait que sur le moment, les gens, il y a quand même un jury de Cannes qui lui a donné la Palme d'Or, hein. C'est quand même pas rien. Mmh. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une assemblée de gens, et vous le disiez, Tennessee Williams, le président du jury cette année-là, était pas chaud. Donc ça veut dire qu'il avait quand même autour de lui 8 ou 9 personnes qui ont poussé à la roue pour que, contre les décisions du président, on donne au film la récompense suprême. Donc il y a quand même eu des gens pour comprendre que le film, c'était quelque chose de fort. Mais c'est vrai que quand on lit les critiques de l'époque, de Cannes de l'époque, les critiques sont assez déçues en disant qu'il y avait des films comme Monsieur Klein ou d'autres encore qui étaient meilleurs, qui auraient mieux mérité la Palme d'Or que ce film-là. Parce que, en fait, le film se nourrit de ses contradictions. Et je pense que c'est pour ça que, à la première vision et à l'époque, les gens ont pas réussi à... Le film se dérobait en quelque sorte à leur analyse. Les gens n'arrivaient pas à comprendre exactement ce que c'était, parce que c'est aussi la somme des contraires. On l'a vu avec l'approche de New York, qui est à la fois ultra réaliste et ultra stylisée. Et dans l'approche, faut pas oublier que Schrader, c'est le protestant, et Scorsese, c'est le catholique. Et il y a quand même ce mélange avec un côté quasiment religieux. C'est intéressant quand Schrader, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, répond à la presse, il n'y a pas forcément des bougies dans les bordels, mais il y en a dans les églises. Alors ouais. On dit, bah, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il n'y a pas de séquence dans les églises. Oui, mais le personnage a en quelque sorte intégré quelque chose de... Il va se donner une espèce de mission et il intègre quelque chose de religieux dans sa démarche. Il devient ce qu'on pourrait appeler un ange exterminateur. Alors c'est évidemment une approche de la religion très très libre, mais il y a quelque chose de mystique dans sa démarche. Oui, et avant que le passage à l'acte n'opère, vous l'avez dit, c'est dans la deuxième partie du film, il y a l'expression non seulement verbale dans son journal intime, mais aussi dans la conversation avec d'autres personnages, de ce sentiment intense d'absurdité de la vie. Je reviens sur ce terme d'absurdité, puisqu'on parle de philosophie de l'absurde avec Camus, avec Sartre aussi, et c'est vraiment ce qui ressort d'une conversation qu'il a avec un autre chauffeur de taxi. Pour bien comprendre ce sentiment-là, je vous propose qu'on écoute d'abord un court extrait de La nausée de Sartre, qui parle de la contingence, à savoir le fait que notre existence n'est pas nécessaire, qu'elle aurait pu être autre, qu'on aurait pu ne pas naître. C'est la contingence qui conduit à l'absurdité. Et ensuite, la conversation entre les deux chauffeurs de taxi. J'étais là, immobile et glacé, plongé dans une extase horrible. Mais au sein même de cette extase, quelque chose de neuf venait d'apparaître. Je comprenais la nausée, je la possédais. À vrai dire, je ne me formulais pas mes découvertes, mais je crois qu'à présent, il me serait facile de les mettre en mots. L'essentiel, c'est la contingence. Je veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. Seulement, ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or, aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence. La contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper. C'est l'absolu. Par conséquent, la gratuité parfaite. Tout est gratuit. Ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Yeah. Well, I know you and I ain't talked too much, you know. Yeah. But I figure you've been around a lot, so you could. Yeah, shoot, that's why they call me the wizard. I got. Tu vois, c'est que je. Y a. Ah, quoi, c'est la vie qui est pas une vie. Bah, voilà, c'est la vie tout ça, qui est c'est pas. C'est normal, ça arrive à des gens très bien. J'ai plus le moral, je suis déprimé. Ah, y a des moments où je me demande, tu vois, si. Mais il va falloir que j'en sorte et il n'y a pas, faudra que ça pète ou que ça dise pourquoi. C'est le taxi à vie qui te fait peur? Oui, enfin... Non, j'en sais rien. Je veux descendre dans la rue parce que j'ai vraiment... Tu sais, j'ai vraiment envie de... Ah, il y a des moches d'idées qui me travaillent dans la tête. Tu comprends, vieux, on devient finalement un travail, et puis on n'est plus que ça. Tu prends un gars, il vit à Brooklyn, un autre il habite à Sutton Place, t'as l'un c'est un avocat, un autre il est docteur. T'as un gars qui agonise, un autre qui est en forme, et puis ça se renouvelle. Ah, remarque, si j'étais jeune comme toi, je vais te dire, à ton âge, on tringle. On se saoule, on a toujours plein de choses à faire. De toute façon, t'as pas le choix. On est tous baisés. C'est... Enfin, plus ou moins. Tu Des conneries, j'en ai entendu, mais des comme ça, je dois dire qu'il y a la dose. Eh oui, laisse rouler, ça ira, tu verras, ça ira. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre ratée entre les deux personnages? Je ne sais pas, en tout cas, ils ne se situent pas du même côté de la vie. Et Travis le dit bien, j'ai besoin de sortir dans la rue et ben, un jour, il faudra que ça pète ou que ça dise pourquoi. Et comme ça ne dit pas pourquoi, comme il ne trouve pas de réponse à ses questions quant au sens de la vie, eh bien, il fera en sorte que ça pète et il passera à l'acte. On peut le lire comme ça, Philippe Rouillet. Ben, c'est l'exact résumé du film là, que vous venez de donner là. Et toute la première partie du film, c'est des rencontres ratées ou avortées. Et celle-là, c'est la plus forte, parce que c'est une rencontre qui sollicite, c'est pas le hasard. Il a repéré ce collègue, qui est joué par Peter Boyle, qui s'appelle Wizard, donc sorcier, magicien. Et il se dit que ce type va certainement l'éclairer sur les ténèbres dans lesquelles il se débat. Donc il va voir le magicien, c'est comme on irait voir le magicien d'Oz en quelque sorte. Et en fait, on l'a entendu dans la séquence, ça ne va pas du tout parce que chacun parle de son côté et à aucun moment ça se rencontre. Donc je veux dire, le principe d'une rencontre, d'une discussion, c'est qu'on finisse à un moment donné par parler de la même chose. Là, c'est jamais le cas. Donc à partir de là, Wizard n'a pas du tout compris l'état d'esprit de Travis et l'autre n'a pas du tout trouvé de réponse à ses questions. Donc c'est une fois de plus quelque chose d'avorté, mais là c'est encore pire parce que il misait en quelque sorte sur cette rencontre. C'est quelque chose auquel il s'était préparé, ouais. Il avait prévu. C'est pas parce qu'il y a d'autres rencontres dans le film qui vont être aussi très révélatrices. Notamment, il y a une séquence où il prend en charge un client qui est joué par Scorsese lui-même. Et ce client est ultra violent dans son propos. Il l'emmène voir sa femme qui est en train de le tromper avec un homme. Donc ils sont dans la rue, dans le taxi. Il dit regardez, c'est elle. On voit son ombre là à la fenêtre. Et moi j'ai un magnum dans la poche. Je vais la tuer. Vous savez ce que ça fait, l'impact d'un magnum sur un visage de femme, sur un sexe de femme. Et donc c'est-à-dire qu'il y a ce discours ultra violent. Que en fait Travis va assimiler et qui va petit à petit participer de son passage à l'acte. Et c'est comme cette histoire avec Wizard qui lui dit bah à ton âge on se saoule, on va voir les copains, on va sauter les filles et tout ça, et l'autre il fait rien de tout ça, l'autre il est muré dans sa solitude, dans son étrangeté au monde et à lui-même, et c'est pas possible. Et le Wizard dit quelque chose de très intéressant, il dit bah tu sais dans la vie on a un travail et puis on devient son travail et on n'est plus que ça. Et disant ça, il illustre exactement ce que dit Shredder, le scénariste du film qu'on a entendu au début d'émission. Pour lui, Taxi Driver, c'est la métaphore de l'aliénation métropolitaine. Le chauffeur de taxi, il se confond avec sa voiture, il se confond avec son travail et il n'existe plus en dehors de ça. Voilà, c'est complètement ça, et c'est pour ça qu'ils se sont battus avec Scorsese pour qu'il n'y ait pas de mots avant Taxi Driver. C'est pas « e Taxi Driver », c'est pas « the Taxi Driver », c'est « Taxi Driver ». Ah oui. C'est beaucoup plus générique que si on parlait de un Taxi Driver, de un chauffeur de taxi. Ça veut dire qu'on est tous un peu un taxi driver, on a tous un chauffeur de taxi en nous, c'est ça que ça veut dire? Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr que c'est en cela que le film nous touche tant. C'est-à-dire que le film nous entraîne et il y a effectivement un effet miroir, même si évidemment on n'est pas tous aussi loin que ça dans les névroses et dans les doutes et dans les angoisses et la dépression que l'était Shredder quand il a écrit ou qu'est Travis Bickle, le chauffeur de taxi au moment où on raconte l'histoire. Mais cette étrangeté au monde, on l'a tous plus ou moins ressenti. C'est ça qui donne aussi de l'écho aux écrits de Sartre et de Camus. Le film est aussi le récit, peut-être surtout le récit de la transformation de Travis. Alors on va entendre à présent la scène culte, la scène que vous attendez sans doute, chers auditeurs, depuis le début de cette émission, la scène dont on a retenu une phrase qu'on imite, soit seul devant sa glace, soit avec d'autres pour rigoler, alors que vraiment il n'y a rien de comique dans cette scène. C'est, écoutez, je vous en dis pas plus, la voici cette scène. Hein? Hein? Hein? Flinguerais ça, moi. Feignasse, salopard. Je te vois venir, petite vache. Bordure. Je flingue plus vite que toi. Je me plante là, et tu me provoques. Alors, mec, tu provoques? Hein? Tu provoques? Hein? I'm trying, you. Hein? You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is... Ce qui est absolument génial dans cette scène, Philippe Rouillet, c'est que le personnage s'adresse à lui-même, ou plutôt au reflet que le miroir lui renvoie, mais ce faisant, il s'adresse au spectateur directement, il l'interpelle directement, si bien qu'on se sent mal à l'aise, et qu'on se demande si, quand il parle à lui-même, c'est pas à nous qu'il parle, c'est pas nous-mêmes qui nous parlons en nous-mêmes. Il y a une espèce de triple mise en abîme, qui est une expérience complètement inédite pour le spectateur. Bah, c'est ce reflet dont on parlait tout à l'heure, quand vous dites, est-ce qu'on serait pas tous des taxi-drivers? Ouais. Cette séquence en est l'illustration. Alors, il faut, c'est vrai que, vous avez raison, elle a été imitée, et on en a un peu perdu la signification, parce que quand on la voit aujourd'hui, si on ferait pas attention, on a tout l'héritage de cette séquence depuis 45 ans. Cette séquence, en fait, dans le scénario, Schrader avait juste écrit le personnage monologue devant sa glace. Voilà, point. Mmh. Et du coup, Scorsese a repoussé à la dernière semaine de tournage le moment de le faire. Pourquoi ? En se disant que comme ça, De Niro serait vraiment à la totale maîtrise de son personnage. Et ils se sont lancés dans une impro qu'ils ont tournée en 3 heures. Alors, Schrader était présent sur le plateau. Alors, la scène est filmée en plan poitrine, donc ça veut dire qu'on voit De Niro jusqu'à la poitrine. Et concrètement, sur le plateau, Scorsese est assis avec les écouteurs au pied de De Niro. Donc, avec le casque, il écoute son acteur et c'est là qu'il juge de sa justesse. Sauf que il tourne, évidemment, là encore, c'est dans la ville, il y a énormément de trafic routier. Et Scorsese a du mal à entendre son acteur. Donc il le chauffe, il dit plus fort, répète plus fort. Et à force, parce qu'ils vont tourner ça pendant 3 heures, ils vont tourner ce monologue pendant 3 heures, et à force, il y a un échauffement, en quelque sorte, de Niro, qui s'excite lui-même, à force de répéter, de parler de plus en plus fort, et ça donne cette espèce de transe. Et le choix de la mise en scène, c'est que au bout d'un moment, il est devant sa glace, et Scorsese choisit de ne filmer que le reflet. C'est-à-dire qu'on filme le personnage dans son reflet. Donc, d'une part, il y a cet effet que vous nous avez indiqué, à savoir qu'il est quasiment en regard caméra, et donc il regarde le spectateur, il interpelle le spectateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est comme le cadre du miroir a disparu dans le cadre de l'image, c'est-à-dire qu'on confond le reflet avec l'original. Si on n'est pas attentif à la manière dont la scène est filmée et découpée, on peut croire que c'est De Niro, alors qu'en fait, c'est le reflet de De Niro. Et on peut voir dans cette idée, « Are you talking to me ?» C'est le reflet qui parle. C'est comme ouais. Si c'était son double qui disait « Tu viens me chercher ?» Ce double, puisque c'est cette séquence-là qui amorce la deuxième partie, celle du passage à l'acte. Comme s'il allait chercher en lui, incapable de vivre en homme bon, qu'il sent être au fond de lui, il va chercher sa part d'ombre au fond de lui-même pour cette mission qu'il qualifie lui-même de mission suicide. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais il pense que ça va être une mission suicide. Et donc, c'est son double qui va interpeller pour, en quelque sorte, mener cette action. Et ce double s'adresse directement au spectateur qui ne peut pas regarder ça de manière neutre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que comme on est tout le temps dans la peau de Taxi Driver, de Travis, que toutes les scènes qu'on voit sont à travers ses yeux, sauf une, celle où la prostituée est toute seule avec son Mac, où il danse, et où on comprend qu'il l'abuse en lui faisant croire qu'il l'aime, et tout ça, et qu'elle reste avec lui, non pas par la force physique, mais par le mental. Il la convainc que c'est son petit mari, qu'elle est sa petite femme, etc. Donc cette séquence-là a été utile, et du coup, dans la mise en scène, Scorsese nous suggère plus ou moins que Travis est au pied de l'immeuble avec son taxi, et comme il le filme d'un peu loin, on a l'impression qu'il regarderait à travers la fenêtre. Mais si, à part cette séquence-là, toutes les autres séquences sont des séquences vues à travers les yeux de Travis. Et donc, c'est ça qui constamment nous renvoie à nous. Et d'une part, ça nous renvoie à nous. Et d'autre part, ça nous renvoie une image de nous qu'on n'a pas envie. Alors, on va entendre, bien sûr, le passage à l'acte. On ne peut pas terminer cette émission sans entendre cette scène cruciale. Mais avant ça, dites-nous, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Travis a changé? Ou bien a-t-il changé? Ou est-il devenu celui qu'il voulait vraiment être? Parce qu'il y a une transformation. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que vous la nommez? Alors, cette transformation, c'est là où il devient ange exterminateur. C'est-à-dire que c'est là où il s'est fini les mots. Il veut que, en disparaissant lui-même, laisser une trace. Il veut nettoyer la ville de toute cette horreur. Donc, au départ, il se dit, ce candidat politique, c'est finalement pourri et compagnie, Mais il s'aperçoit que c'est, en fait, impossible à faire. Donc, son choix numéro 2, mais qui était peut-être son choix numéro 1, est de sauver cette jeune prostituée, de la sauver de ce carcan et d'aller tuer tous les macs qui sont autour et qui la font vivre. En cela, la séquence reprend une séquence où il était venu, non pas comme client, mais parce que cette fille, il faut se souvenir que c'est elle qui a été dans son taxi en premier. Oui. C'est comme ça qu'elle a attiré son attention. Elle s'est installée. Et elle s'est installée à quel moment du film? Juste après que le hasard ait voulu qu'il conduise dans son taxi le candidat politique qu'il a envie de tuer à la fin. Et en fait, le type sort du taxi et à ce moment-là, elle s'engouffre parce qu'elle est en fuite. Et puis, il y a son Mac qui vient la chercher, laisse un billet sur le siège arrière, etc. Et donc, ça y est, la rencontre a fusionné et la rencontre, elle est associée au politique, finalement. Et donc, c'est comme ça que, quand avec le politique, ça marche pas, il utilise le choix numéro 2, qui est de sauver cette fille, donc qui ne demande rien. Et il va refaire tout le chemin qu'il avait fait la première fois, quand il avait voulu réellement lui parler, donc négocier le prix avec le Mac, et puis après, il y a le taulier dans l'immeuble, et puis louer la chambre, avant de se retrouver toute seule avec elle. Et donc, il va refaire tout cet itinéraire-là, mais qui a un itinéraire de mort, de meurtre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, il pensait que cette longue séquence de meurtre, il allait la faire en musique, que le personnage est très volontaire et tout ça. Et c'est Bernard Herrmann, donc le compositeur de la musique, qui lui dit « Non, autant je me suis battu pour que tu mettes pas de bruit sur ma musique dans les autres séquences, là, il faut pas que ma musique vienne. Ça va être une fusillade dans le silence. Il n'y aura comme bruit que les bruits des armes à feu, et tout cet armada qu'il a acheté, il a acheté des tas de revolvers, il a acheté un couteau, mais pas un petit couteau de cuisine, hein, un couteau vraiment de combat. Toutes ces armes vont être mobilisées, vont être utilisées lors de ce carnage final. Alors, évidemment, on est à la radio, on ne le voit pas, mais il faut penser que même en 76, à une époque où il commençait à y avoir beaucoup de gore sur les écrans, la scène ne passe pas près de la censure. Et donc, l'idée, c'est que Scorsese va en changer la tessiture, va en changer la couleur. Il va dégrader la couleur, alors que le film est, je vous l'ai dit, dès le générique, dans les images très saturées. Il va passer la pellicule dans une machine pour la doubler avec une image noir et blanc. Et avec un curseur, il peut régler la couleur à l'intérieur du noir et blanc et avoir une image qui est du sépia, j'allais dire, plus, du sépia coloré brun, qui évoque en plus à ses yeux les images des tabloïds. Donc, comme il s'agit de faits sanglants, ça, c'est tout à fait conforme à ce qu'on peut voir comme photo à l'intérieur de ces journaux à sensation. Mais ça va l'aider à passer la censure. Alors, on va entendre cette scène précédée de la rencontre entre le candidat politique et Travis, qui le soutenait au début du film, il le soutient, il croit en lui, et le hasard fait que ce candidat, Palpatine, ça c'est Star Wars, que j'ai trop regardé, Palantine, rentre dans le taxi, et ils vont discuter ensemble, et ce sera l'occasion pour Travis de dire, moi si je pense qu'il y a une chose que vous devriez faire, c'est nettoyer cette ville, nettoyer tout ce merdier, dont acte, plus tard dans le film, et bien évidemment c'est lui qui passera au nettoyage. Alors voici la scène du taxi, qui préfigure ensuite le massacre final. Que vous entendrez également. Listen, this is just making me nervous. I think we should have waited for the limo. I don't mind taking a cab. I don't mind going out to California without the right preparation. That's going to get us in trouble. I'll tell you what. Are you Charles Palantine, the candidate? Yes, I am. Je suis un de vos plus fervents supporters, vous savez. D'ailleurs, c'est bien simple. À tous ceux qui montent dans ce taxi, je leur dis qu'il faut voter pour vous. Je suis très touché. Travis. Je vais vous faire un aveu. J'en ai beaucoup plus appris sur l'Amérique en prenant des taxis qu'en montant dans des limousines avec chauffeur. Ah oui? Et comment? Je peux vous poser une question, Travis? Allez-y. Quel est, selon vous, le domaine où ça va le plus mal dans ce pays? Bah... Il y aura qui on voudra la tête, ce sera d'abord le coup de torchon, parce que New York, c'est un dépôt d'ordures à ciel ouvert, foutu merdier, moi je vous dis que ça. Il y a des moments où je peux plus supporter. Je crois que le président, il faudra qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il foute la merde dans l'air, il n'y a pas autre chose à faire. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. C'est clair pour moi que désormais ma vie ne s'oriente que dans une seule direction. There never has been any choice for me. Je n'ai jamais eu le choix. Hey, Sport, how you doing? Okay, my man. How's everything in the pimp business, huh? Do I know you? How's Iris? You know Iris? I don't know nobody named Iris. Hey, get back to your fucking tribe before you get hurt, huh, man? Do me a favor. I don't want no trouble, huh? Okay? You got a gun? Get the fuck out of here, man. Get out of here. Suck on this. Of Travis, the killing feelings in that character, the killing feelings in that character, which is very important, are the ones that everybody has in them. And they don't want to face that, I think. And that's why, that's one of the reasons, that's one of the things I tuned into making the film. Ce que je dis, c'est que chacun a des instincts de tueur chez lui, et on ne veut pas y penser, mais ils existent chez tout le monde. Travis is not a rational character. Travis n'est pas un personnage rationnel. Son besoin de faire sortir son violence est presque aléatoire. N'importe qui aurait fait l'affaire. Mais d'abord, qui est rationnel, dit Scorsese. Alors les cris et le bruit des tirs est presque aussi insoutenable à la radio qu'à l'image. Hein. Finalement, Philippe Rouillet n'a peut-être même pas besoin de voir pour entendre et mesurer la violence de ce qui se passe. Contre toute attente, en revanche, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il faut dire un mot sur la fin du film. Le film finit plutôt bien, puisque finalement il a réussi à sauver Iris, et ça on s'y attendait pas. Alors, en apparence, on peut dire que le film finit bien. Et ce qui est très ambigu, c'est que cette attitude terrible qu'il a, j'allais dire monstrueuse, va finalement faire de lui un héros. Mm. Parce qu'on se dit, c'est extraordinaire, un chauffeur de taxi nettoie la pègre, libère une jeune fille qui va du coup retourner chez ses parents. Et donc, on termine avec une lettre des parents qui font une lettre de remerciement. Voilà. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on voit un article de journal, parce qu'on est dans la chambre de Travis, où il va lire, on va entendre la lettre des parents, et on voit les parents dans un article de journal, parce qu'ils sont venus à son chevet, mais lui était dans le coma, donc ils sont venus à New York, mais ils habitent dans l'Amérique profonde, ils n'ont pas les moyens pour revenir. Et sur le journal, on voit que la mère de la prostituée est jouée par la mère de Scorsese. Ah oui. Les gens qui connaissent bien... C'est assez amusant de voir que la mère de la prostituée, c'est la mère de Scorsese. Et donc, voilà, qu'il se perd en remerciements. Vous avez sauvé notre fille, etc. Donc, en apparence, tout va bien. Il reprend son boulot. Il a retrouvé la santé. Il retrouve, évidemment, son boulot de chauffeur de taxi. Il va reprendre Betty. Le hasard veut que cette fameuse ange blond, là, qu'il avait au début du film, il le prend. Et voilà. Et elle est presque à dire, finalement. Mais la reprendre dans son taxi, hein, je précise. Oui, excusez-moi. Il la reprend dans son taxi. Et elle est presque à se dire que quand même, ce type était pas si mal et tout ça. Mais lui, on voit très bien. Et c'est ça qui est, tout passe par la mise en scène, le jeu de De Niro et la mise en scène de Scorsese. C'est qu'en fait, rien n'est résolu et que le film est presque une boucle. On revient au point de départ et que, finalement, rien n'a changé de son mal-être. Il passe pour un héros parce que finalement, il a eu du bol et que les finalement ça s'est bien tourné en sa faveur et les événements ont été lus par les médias, par tout le monde comme quelque chose de favorable, mais le côté très noir qui est en lui est toujours là. Et le risque, c'est que la prochaine fois, eh ben, ça se passe beaucoup moins bien pour lui. Alors, je crois que j'ai une lecture beaucoup plus optimiste que vous que de la fin de ce film. Il me semble qu'au contraire, il a accompli l'acte qu'il voulait accomplir et que le fait qu'il rencontre à nouveau Betsy est prometteur pour eux deux. Bah, ouais, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que et je pense que peut-être quand vous reverrez le film dans 10 ans, vous aurez peut-être une autre approche ou c'est moi qui aurai une autre approche parce que le film est tout sauf quelque chose qui se conclut. On rentre chez soi et on passe à autre chose. Ouais. Ce qui est intéressant. Comme tous les grands films, c'est qu'ils continuent à travailler une fois qu'on les a vus. Et pour ça, il ne faut pas que tout soit résolu, tout est bien qui finit bien, c'est le banquet d'Astérix et on est tous potes. Évidemment non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le fait qu'on puisse avoir des lectures différentes de la fin, pour moi, montre toute la qualité du film. Parce qu'un film comme ça, c'est un film qui fonctionne sur l'ambiguïté, ambiguïté du personnage, ambiguïté au réel, et forcément ambiguïté du spectateur par rapport au film, même si... Une chose est sûre, c'est qu'il aime le film. Merci beaucoup Philippe Rouillet. Vous aussi, vous aimez le film et moi aussi. J'espère que, chers auditeurs, quand vous le verrez ou vous le reverrez, vous l'aimerez autant que nous. Merci beaucoup Philippe d'en avoir parlé ce matin à ce micro. Merci beaucoup Adèle. Au revoir. Au revoir. The words had all been spoken, and somehow the feeling still wasn't right. And still we continued on through the night. Tracing our steps from the beginning until they vanished into the air, trying to understand how our lives had led us there. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known. Such an empty surprise Late for the Sky de Jackson Brown, que vous pouvez entendre dans le film Taxi Driver. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Dans sa pièce Jules César, Shakespeare fait dire à son personnage Casca, tout esclave a en ses mains le pouvoir de briser ses chaînes. Il pourrait ajouter aujourd'hui « et ses chaînes de mail ». On croyait s'être débarrassé de cette corvée qui consiste à poster des photos de soi enfant, à afficher des couvertures de livres de chevet ou à copier-coller des messages avec des mots absurdes, mais non. Cette vieille manie de la chaîne, jamais vraiment disparue en fait, est revenue en force pendant le confinement. Être enchaîné à l'autre serait-il le seul moyen d'être avec un autre ? Un jour ma lettre me revint, tu n'allais plus jusqu'à la poste, tu avais déserté le poste, et mes lettres partaient en vain, et revenaient me prendre ailleurs, ici, là, je changeais d'adresse, et m'atteignais dans ma détresse. Tous ces retours à l'envoyeur, on s'écrivait poste restante, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis, que sont les amours débutants. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas participé, mais j'ai cédé. Au début du confinement, lorsqu'en plein désœuvrement de quarantaine, une personne que j'aime beaucoup m'a nommé pour poster des photos de moi enfant. Je l'ai fait. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé de me trouver dans nos cartons une vieille photo, si possible, marrante, mignonne ou cocasse. Ça nous a pris 2 jours. 2 jours, tout ça pour ça. Mais heureusement ou pas, une chaîne de mails n'est jamais finie. Comme elle tourne en boucle parmi les mêmes contacts, vous serez toujours renommé. La chaîne, par définition, n'a ni début ni fin. Elle vous en sert. Et la rompre, c'est être coupable de vouloir mettre fin à ce qui serait une belle aventure humaine. La chaîne, en fait, nous met face à ce problème, comment s'en défaire sans être banni du groupe. La poste de la rue Duc, dans le 18e arrondissement, il est 17h, j'envoie un pneumatique, rue Cognac-Jay. Cette lettre, nous allons maintenant la suivre, tout au long des 15 km de parcours qui vont la mener à la poste de la rue Claire. Le flux qui porte les tubes, c'est l'air. Ici, trois machines de 165 chevaux chacune pulsent l'air sans arrêt aux quatre coins de la capitale. 17h45, le message arrive. Un quart d'heure plus tard, le petit télégraphiste déposera le message. La chaîne de mail, de poste ou ce que vous voulez, la chaîne virtuelle, révèle cette ambiguïté qui apparaît dès qu'on fait partie d'un groupe. Vouloir en être sans pourtant vouloir en dépendre. Être nommé dans une chaîne, c'est une forme de reconnaissance, de flatterie même. On pense à vous, on vous dit « tu es des nôtres, tu es dans le coup ». Et ne pas y répondre, c'est comme refuser de dire bonjour ou de serrer la main et faire le choix d'être exclu. On peut toujours expliquer son refus, mais on passe alors pour le rabat-joie de la bande. Mais pire que toute autre forme de communication, la chaîne, elle, ne se contente pas d'une simple présence. Il faut être actif, montrer qu'on est là, aller chercher des photos, trouver des couvertures de lit, faire des blagues. La chaîne, en fait, nous enchaîne non seulement à un groupe, qu'on n'estime pas forcément en plus, mais pire, elle nous oblige à renforcer la chaîne, à la rendre vivace, avec des copier-coller qui n'ont rien de la communication authentique. Le paradoxe est là, on s'enchaîne délibérément. Comment en est-on venu à se contenter de ce genre de relation? Comment en est-on venu, alors que les moyens de communication sont multiples et faciles, à remplacer le lien par l'aliénation, à n'être lié que par des messages et des images sans substance, sans fond? Et nous irons ainsi toujours, comme de force de l'amour, rivés au boulet et qui traîne l'infamie de leur chaîne. Au fond, la chaîne ne révèle pas seulement l'ambiguïté du groupe entre lien et aliénation, entre reconnaissance et dépendance, elle révèle aussi notre propre ambiguïté face au groupe. Que dois-je partager avec d'autres que moi? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour en faire partie? Est-ce que je peux faire des choses que je méprise pour en être, ou du moins être poli, ne pas faire de vagues? Toute la question est là. Comment faire coïncider ma personne avec un groupe sans me transformer ni m'isoler? Comment articuler ma singularité avec la généralité? On croit que ce sont là des interrogations dignes des premières amitiés, mais en fait, elles reviennent sans cesse. Quand on vote, ou quand on est dans un open space par exemple. Comme quoi, les chaînes virtuelles, en mettant tout cela au jour, brassent vraiment large. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon Delasselle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Clara De Giovanni, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. À la lecture du texte, Maëlys Ricordo. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour du cinéma de Martin Scorsese. Demain, le réalisateur Éric Rochon viendra vous parler de Raging Bull. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez, et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, où on est toujours ravis de lire vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.